Québec, France, SB, les Rodeurs, LSLK, Ghetto, Ghetto, Rockstar, Blanchard Prod, Rémi, je te vois. Ça me fait paniquer, j'avoue j'ai cru que j'étais assez lucide, mais j'ai tout sacrifié juste pour le succès, la réussite. Ce budget large et utile, moi je devais m'en passer. Un jour tu passes devant le miroir et le reflet semble âgé. Si je pense lâcher, tous ces efforts seraient du temps gâché. Ce que m'apporte le rap, c'est que ma force morale est enflammée. Les amis trompent, les trahisons, c'est pas toujours drôle. Ça fait partie de ma vie comme les filles qui vendent leur cul pour une dose. J'ai trop rêvé d'une série américaine, mais l'amour ça se finit en tout détruit, allez j'y vais. Fumer trouble, surtout quand tes pensées sont sur écoute. On aime juger toutes et la pression sociale nous étouffe. Le succès rend malade, honnêtement le sujet m'embarrasse. Mais ma force morale se dédouble et tu sais que je prends ma place. Pour ma part, ce serait une faiblesse si j'essayais pas. Ma motivation se rend du Québec à LSLK. J'ai du mal à garder le cap. Putain, j'écris toujours les mêmes trucs. Fantôme à l'assassin, j'attends que le manque d'oseille m'en mette une. J'y crois plus, mais j'espère que la chance nous paiera SB. Tout ce que j'ai dans la vie tient dans mon seul Xperia SP. Tous mes rêves perdus se reflètent sur chaque étoile du ciel. L'amour est mort depuis que tu peux le trouver sur Jackie et Michel. Mon cœur de fer s'est transformé en cœur de plexiglas. Putain, j'ai mal au crâne, je me mets peine dans un verre de Pepsi Max. Le rap ça paye pas, j'aurais dû faire de la country. Écoute l'album, tu verras que je suis le plus dépressif des clowns tristes. Je vis dans le passé, ça fait 10 ans, je suis en plein jet lag. La vie c'est hard, faut un bon psy ou un mental de Jedi. Arrête le deal si par mois tu prends pas 2000 palos. Dans une bande de potos, y'a toujours au moins un Donnie Brasco. Le moral ça va, je vis en attendant la prochaine rechute. Toujours le fond, la forme, de la barrière jusqu'à la rive sud. Ghetto, Ghetto, Rockstar, Original, Bunker Bros, SB, Les Rodeurs, 2015 et pour l'éternité.